Dracon, au 7e siècle avant notre ère, donna à Athènes ses premières lois écrites, extrêmement sévères, d'où notre adjectif draconien. Solon lui succéda au siècle suivant. À Rome, les décemvirs, 10 anciens consuls, rédigèrent, au milieu du 5e siècle avant notre ère, la loi des 12 tables. Lacédémone est l'autre nom de la ville grecque de Sparte. L'Athénien Dracon passa pour un homme de bien et d'une grande sagesse. La science des lois divines et humaines lui fut familière. Ce Dracon donna le premier des lois aux Athéniens. Dans sa législation, il punissait de mort le voleur, quel que fût le vol. La plupart des autres dispositions qu'il sanctionna étaient d'une sévérité inouïe. Aussi, cette grande rigueur la fit tomber en désuétude, sans décret, et par le consentement tacite des Athéniens. Des lois plus douces lui furent ensuite données par Solon, qui fut au nombre des 7 hommes immortalisés par leur sagesse. Sa législation condamnait le voleur, non à la peine de mort, comme celle de Dracon, mais seulement à payer le double de l'objet volé. Nos décemvirs, qui, après l'expulsion des rois, firent les lois des 12 tables, ne mirent, dans les punitions infligées aux différentes sortes de vols, ni la sévérité de l'un, ni la douceur de l'autre. Leur loi condamnait à la peine de mort le voleur pris en flagrant délit, s'il faisait nuit au moment du crime, ou s'il s'était défendu avec une arme. Quant aux autres voleurs, pris également en flagrant délit, s'ils étaient libres, on les frappait de verge, et ils étaient livrés à celui qu'ils avaient volé, en supposant qu'ils eussent commis le crime pendant le jour et qu'ils n'eussent pas cherché à se défendre une arme à la main. Mais cette loi des saints virales n'est plus observée, car le voleur, plié en flagrant délit, est maintenant condamné à payer une valeur quadruple de l'objet volé. Chez les anciens Égyptiens, ce peuple si célèbre par ses inventions dans les arts et par ses savantes recherches, le vol était permis et restait impuni. Chez les Lacédémoniens, ces hommes si sobres, si courageux, et dont l'histoire est moins éloignée de nous que celle des Égyptiens, le vol était permis et passé en usage. C'est ce qui nous est attesté par un grand nombre d'auteurs célèbres qui ont écrit sur les mœurs et sur les lois de ce peuple. Mais la jeunesse s'exerçait au vol, non pour acquérir de honteuses richesses, ni pour subvenir aux frais du libertinage, mais pour se former aux ruses de guerre. On pensait que l'adresse et l'activité nécessaires pour le vol développaient et fortifiaient les esprits des jeunes gens, les formaient à tendre des pièges, à veiller avec patience, à saisir avec rapidité le moment de l'attaque.